Si on réalise que l'homme est fait de deux parties. Une partie qui est son ego coloré par sa personnalité, qui lui donne sa subjectivité, qui lui donne son inconscience, qui est un état de conscience. Et si on réalise que l'homme est fait aussi d'une autre partie, qui est au-delà de lui, dans le temps et dans l'espace, une partie qui est intelligente, une partie qui, si elle est reçue par l'ego parfaitement, devient une volonté très puissante. Et si elle est sentie par l'ego en tant que principe, devient l'amour universel. On s'aperçoit que l'homme a deux façons d'agir dans la vie. Soit qu'il agisse en relation avec sa personnalité, ou soit qu'il agisse en relation avec cette autre partie de lui, qui est parfaite. Pour que l'homme agisse avec l'autre partie de lui qui est parfaite, il faut qu'il soit ajusté vibratoirement à cette autre partie de lui qui est parfaite. C'est-à-dire que il faut que ses principes inférieurs, son mental, son émotionnel, lui soient enlevés. C'est-à-dire que il faut que l'émotion et que l'intellect ne soient plus sous le contrôle de la personnalité. Que l'émotion et l'intellect, ces deux principes-là, soient sous le contrôle de cette autre partie de lui. Plus il avance dans la conscience supramentale, plus il devient cosmique, plus il devient un avec cette autre partie de lui, plus il perd au niveau de sa personnalité le pouvoir de subjectivité et automatiquement, moins il est capable de vivre, de vibrer intellectuellement ou émotivement. De sorte que sa réaction devant l'événement de tous les jours devient de plus en plus dictée par une autre vibration qui n'est pas contaminée par son émotion ou son intellect. Plus il avance dans ce phénomène-là d'unitisation, de descente, de contrôle, plus il tend vers la fusion de ses principes inférieurs par les principes supérieurs, plus il a de confiance en lui-même. Pas une confiance en lui-même qui est psychologique, pas une confiance en lui-même qui est basée sur son état émotionnel ou sur son état intellectuel, une confiance en lui-même qui est l'absence d'insécurité totale causée par son émotion ou sa mentalité. Parce que sa personnalité ne peut plus se servir de son émotivité ou de son intelligence subjective pour juger émotivement ou intellectuellement de la valeur de sa réaction envers l'événement extérieur qui peut le rendre ou qui peut lui enlever sa confiance en lui-même. Autrement dit, lorsque l'homme commence à ne plus sentir sa personnalité, lorsqu'il commence à sentir en lui le vide, c'est-à-dire une qualité de lui-même qui l'empêche de se mesurer psychologiquement, une partie de lui-même ou une énergie qui l'empêche de se mesurer intellectuellement, ou se mesurer émotivement, l'homme perd la capacité de manquer de confiance. Il ne peut plus manquer de confiance parce qu'il n'est plus homme. Il est sur-homme. Il est fait d'une partie inférieure, unie à une partie supérieure, qui domine la partie inférieure par unitisation ou par fusion. Alors, il n'est plus Tant que l'homme est homme, il est sujet à vivre un manque de confiance, parce que tant qu'il est homme, il est obligé de mesurer son expérience vis-à-vis l'autre ou vis-à-vis l'expérience extérieure. Il est obligé de la mesurer selon la mémoire de son émotion, selon la mémoire de son intellect. Ce qui l'amène à se comparer instantanément dans l'action. Se comparer dans ce sens qu'il va se voir bon ou se voir mauvais, se voir sans cœur ou avec cœur, il va se comparer. Il y a une comparaison qui se fait là, quelqu'un. Et aussitôt qu'il se compare, émotivement ou mentalement, il perd de sa confiance en lui-même, parce que avoir confiance en soi-même, ultimement, veut dire ne pas avoir confiance veut dire ultimement ne pas avoir besoin d'avoir confiance. OK? Quand tu n'as plus besoin d'avoir confiance, tu es dans un champ d'énergie, tu es dans une énergie, tu ne fonctionnes plus psychologiquement et mentalement et émotivement, tu ne peux plus te servir du matériel psychologique qui autrefois donnait à ta personnalité une plus grande ou une moins grande confiance. Autrement dit, quand l'homme va vers la fusion, vers l'unité de ses principes supérieurs avec ses principes inférieurs, il n'a plus besoin de reconnaître dans son action vis-à-vis le monde extérieur une raison qui est jugée acceptable socialement. Sur le plan de l'intelligence, sur le plan de la volonté, sur le plan d'amour, ces trois principes-là se manifestent. De sorte que l'homme ne peut plus être appelé homme parce qu'il ne fonctionne plus dans les règles du jeu de l'homme. Sur le plan de l'intelligence, il ne pense pas avec les pensées des autres. Ce qu'il reçoit dans le domaine de l'intelligence, c'est totalement au-dessus ou au-delà de la portée de l'intellect humain, ce qui l'isole au niveau de l'intellect. Sur le plan de la volonté, il est obligé, à cause de sa vibration, d'agir selon cette vibration, de sorte qu'il ne peut plus agir selon une programmation culturelle. Ah, il n'appartient pas à l'homme. Et dans le domaine de l'amour, les aspects du phénomène de l'amour qui sont réalisés en tant qu'expérience humaine par le biais de l'émotion sont détruits. De sorte que l'amour ne possède plus d'émotion. L'amour est simplement un autre principe qui est aussi universel que la volonté et l'intelligence, dont il se sert pour quelque action que ce soit. Alors, l'homme n'appartient plus à la race de l'homme. Il n'est plus le fils de l'homme. Il est le fils de Dieu. Tant que l'homme est le fils de l'homme, il doit prendre en considération l'homme et en subir la considération. Quand l'homme est fils de Dieu, il prend en considération l'homme, mais il ne subit plus l'homme. Il prend en considération l'homme parce qu'il a le discernement qui lui fait comprendre la nécessité de voir que tant que l'homme est dans l'inconscience, il y a des choses qu'il ne peut pas comprendre. Alors, il le prend en considération. Tant qu'il est obligé de donner à l'homme de l'amour, il le donne d'une façon extrêmement intelligente. Puis s'il est obligé de vivre de la volonté dans le milieu de l'homme, il le fait encore toujours à l'intérieur du discernement. Alors, l'homme ne peut plus être affecté par les conditions de vie, c'est-à-dire l'homme conscient, le sur-homme, ne peut plus être affecté par les conditions de vie de l'homme inconscient. Et automatiquement, il ne peut plus vivre de la même vie qu'il vivait avant, il ne peut plus, à cause de cela, souffrir de manque de confiance en lui parce que lui n'existe plus. La raison pourquoi les gens ont manque de confiance en eux, c'est parce que ils existent. Quand tu n'existes plus, tu ne peux plus avoir de manque de confiance en toi-même. Tu n'existes plus. Le phénomène d'exister, c'est un phénomène psychologique qui fait que l'homme qui existe est toujours en contradistinction avec l'homme qui existe. Tandis que l'homme qui est conscient, l'homme qui est en fusion, il n'existe plus. Il est réel. Il n'existe plus parce qu'il ne vit plus, sur le plan émotionnel ou sur le plan mental, des valeurs de l'homme inconscient. Il n'a plus à subir psychologiquement les valeurs de l'homme inconscient ou de la masse inconsciente. Et il est obligé d'agir créativement en relation avec l'homme inconscient ou la masse inconsciente. De sorte que agir créativement veut dire agir selon le principe de l'intelligence, de la volonté ou de l'amour cosmique. Un homme ne peut pas vivre une vie réelle tant qu'il n'a pas subi suffisamment de chocs vibratoires qui l'amènent à vivre de cette unité-là. Un homme ne peut pas vivre une vie réelle tant qu'il n'est pas suffisamment abruti dans sa personnalité qui est conditionnée par le social. Tant qu'il n'est pas sûr d'être sûr, il ne vit pas une vie réelle. Il existe. Il vit une vie existentielle, coloré par une philosophie quelconque, ou une psychologie quelconque, ou une métaphysique quelconque. Mais sa vie n'est pas réelle. Et comme elle n'est pas réelle, il ne peut pas la vivre en dehors de l'absence de confiance en soi. Parce qu'il y aura toujours une situation dans la vie où il sera confronté par un autre ego. Et s'il est confronté par l'autre ego amènera devant ses yeux, dans son expérience, des conditions de vie que lui, n'étant pas encore suffisamment uni à ses principes supérieurs, le forceront à battre ou à descendre pavillon devant l'autre ego. Sinon, psychologiquement, au moins émotivement. Tandis qu'un homme qui est sûr et sûr ne vit pas le problème de confiance en soi parce que il n'est plus conscient de sa personnalité. Il n'étant plus conscient de sa personnalité, il n'a plus rien à prouver devant les hommes. Il n'a rien à prouver devant les hommes, il n'est pas obligé de parler aux hommes. Et n'étant pas obligé de parler aux hommes, il n'a pas besoin d'être sacrifié à l'humanité. Et quand je dis sacrifier à l'humanité, je veux dire qu'il n'est pas obligé de vivre parmi les hommes. Il vit parmi les hommes parce que les conditions présentes le lui imposent. Mais un jour, il ne doit plus vivre parmi les hommes si les conditions changent. Et il doit être capable de ne plus vivre parmi les hommes lorsque ces conditions changent. Et pour qu'il ne puisse plus vivre parmi les hommes, lorsque les conditions changent, il faut qu'il soit préparé mentalement et émotivement à assumer la totale responsabilité de son aliénation devant la matière des hommes, devant la civilisation. Autrement dit, il faut qu'il en arrive un jour, après un certain nombre de cycles ou d'années de transformation, à pouvoir voir le bien-être de la mort matérielle. Tant qu'un homme n'est pas capable de sentir le bien-être de la mort matérielle, quand je dis de la mort matérielle, je parle de la destruction du corps matériel, quitte à la reconstruction du corps matériel. Quand un homme n'est pas capable de voir le bien-être et la valeur de la mort de ses sens, il vivra le manque de confiance en soi. Parce que Pour comprendre essentiellement la valeur du bien-être de la mort, autrement dit, de cette expérience dans la vie de l'homme qui fait qu'il change de plan, expérience, il faut qu'il soit détaché émotivement de la valeur de l'expérience humaine. Autrement dit, il faut qu'il soit détaché émotivement de la valeur astrale de la vie. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit totalement dans son intelligence. Et lorsqu'il est totalement dans son intelligence, il n'est plus attaché à la valeur astrale de la vie. Il peut demeurer à l'intérieur de la vie pour un certain temps, pour quelque raison que ce soit. Mais il n'y est plus attaché parce qu'il n'y a plus rien dans la vie qui soit suffisamment haut en vibration pour lui donner le champ d'expérience créative nécessaire à l'exploitation de son pouvoir interne qui provient de la fusion entre l'âme et l'ajusteur de pensée. C'est un état qui nous vient graduellement. C'est un état qui n'est pas facile, mais quand ça nous vient, c'est pas facile, mais c'est facile parce que déjà, on a été préparé. Ma femme est dans cet état présentement où il lui est retiré les forces qui soutiennent le corps astral pour vivre simplement de l'intelligence. Puis, l'expérience n'est pas plaisante parce que elle est, on ne lui laisse rien pour vivre. Mais elle est déjà préparée depuis longtemps, fait qu'elle peut passer au travail. Et les hommes qui passeront à l'éthérique seront retirés tout. Ils seront retirés, on leur enlèvera tout ce qui leur permet de vivre. C'est-à-dire qu'on leur enlèvera tout ce qui leur permet astralement de vivre. C'est-à-dire qu'on leur enlèvera tout ce qui leur permet émotivement d'être lié à la matière. Même s'ils ont du matériel, on peut leur enlever ce qui les retiendra émotivement à la matière. Et à ce moment-là, ils entrent dans l'intelligence et à ce moment-là, ils sont préparés pour d'autres choses. Alors, le phénomène d'avoir confiance en soi, c'est un phénomène qui est très complexe, qui fait partie de la conscience de l'homme, qui n'est aucunement lié à la personnalité de l'homme. Et tant que l'homme pense qu'il a confiance en lui-même, il n'a pas confiance en lui-même. Parce que quand on a confiance en soi-même, dans un sens parfait, on n'a pas conscience qu'on a confiance en soi-même. Quand on a quelque chose consciemment, on ne sait pas qu'on l'a. Tant qu'on sait qu'on l'a, on ne l'a pas. Ça, c'est une des formes et des illusions qu'on doit dépasser, puis qu'on en arrive à dépasser. Une des grandes perceptions de l'homme qui va vers le supramental, qui va vers la conscience universelle, une des grandes choses qui renverse l'homme, et quand je dis qu'il renverse l'homme, je veux dire qu'il renverse ce que l'homme a cru avant, c'est de réaliser que ce qu'il apprend n'est pas ce qui est écrivable dans les livres, n'est pas ce qui est présentable par la parole. Ça fait partie de son expérience interne. L'homme ne peut pas aller vers la conscience parfaite parce que il a soit l'intention ou il a l'idée que c'est ça. C'est jamais ça. Et une des grandes choses que l'homme découvre lorsqu'il va vers la conscience parfaite, c'est que ce n'est jamais ce qu'il pensait. Et la raison pour laquelle ce n'est jamais ce qu'il pensait, c'est parce que justement, c'est en dehors de ce qu'il pensait. C'est ça. Ce que l'on pense fait partie de la personnalité. C'est normal. Alors, tout ce que l'on pense, c'est simplement une forme temporaire pour nous aider à supporter le chemin, le poids, le long du chemin, jusqu'à temps qu'on arrive au bout du chemin. Et au fur et à mesure qu'on avance vers la fin du chemin, on s'aperçoit que les conditions qui nous ont été proposées intérieurement ou extérieurement auparavant, au cours de notre évolution, étaient simplement des conditions temporaires pour nous permettre émotivement et mentalement d'accepter et d'assumer la capacité de passer à l'invisible. Alors, il est inévitable D'ailleurs, c'est pour ça que la descente de la conscience supramentale sur la Terre et l'explication des principes de la mécanique de la conscience supramentale sur la Terre forcera tous les hommes, dans toutes les catégories d'expérience, à revendiquer d'un droit qu'ils ne comprendront pas et dont ils ne comprendront pas les avenues et les aspects et les nuances, parce que c'est justement comme ça que ça se passe. Les hommes ne peuvent pas connaître, comprendre la conscience cosmique tant qu'ils ne sont pas dedans. On ne peut pas avoir de preview de la conscience cosmique. Et pourquoi? Parce que justement, quand l'homme entre dans la conscience cosmique, ou quand elle descend en lui, quand elle se manifeste en lui, elle ne se manifeste pas selon des lignes de pensée qui lui sont propres, ou qui sont personnalisables, ou qui font plaisir à l'ego. Mais au contraire, elle entre en lui parce qu'elle détruit tout ce qui fait plaisir à l'ego. De sorte qu'au bout du chemin, il ne reste plus rien à l'ego. Il est tout nu, comme un ver. Mais le verre est radieux. Alors, avoir confiance en soi, c'est une sorte de béquille qu'on a de besoin, tant qu'on a de besoin. Puis ceux qui ont confiance en eux-mêmes, pendant qu'ils sont inconscients, c'est bon, parce que c'est une béquille plus forte qu'une béquille plus faible. Tant qu'avoir une béquille, c'est bien d'avoir une bonne. Comme ça, tu tombes pas sur le cul. Mais un jour ou l'autre, même cette béquille-là doit disparaître. La phénoménologie d'avoir confiance en soi, c'est en fait le résultat d'une connexion directe entre le supramental et l'homme. Et ça n'appartient pas à la personnalité. C'est une expérience de connexion, de mouvement d'énergie qui sert à rendre les corps ou les principes de l'homme plus aptes à recevoir l'énergie, plus résistants à l'énergie. Et plus l'homme est résistant à l'énergie, plus la confiance en lui-même est grande. Puis lorsque l'homme est réellement uni à l'énergie, à ce moment-là, la confiance en lui-même n'existe plus en tant que recherche personnelle ou en tant que phénomène psychologique personnel, parce que l'homme n'existe plus, il est sur-homme. Et lorsque l'homme est sur-homme, il n'appartient plus à l'homme, mais c'est pourquoi il manifeste une sorte de confiance devant les autres, où il manifeste une sorte d'intelligence devant les autres, ou une sorte de volonté devant les autres, ou une sorte d'amour dans des cas particuliers, parce que justement, ces principes-là sont au-dessus de lui et ils sont universels, et ils sont infaillibles, et ils n'appartiennent pas à lui. Ils ne peuvent plus être colorés par la personnalité. Et quand l'homme n'est plus coloré dans sa personnalité, il est bien dans sa peau. Il n'a jamais besoin d'avoir confiance en lui-même parce qu'il est dans la lumière. Il y a des aspects au phénomène d'avoir confiance en soi qui sont bons et il y a des aspects au phénomène d'avoir confiance en soi qui ne sont pas bons. Parce que vous ayez confiance en vous-même ou non, ça ne change rien. Si vous n'avez pas confiance en vous-même, ils vont, avec le temps, créer des situations qui vont vous amener à avoir confiance en vous-même. Et quand vous aurez confiance en vous-même, ils détruiront la confiance en vous-même que vous avez. Autrement dit, l'homme qui va vers le stage de conscience supramentale doit devenir automatiquement de plus en plus fort. Ça, c'est normal. Alors, s'il n'a pas confiance en lui-même, avec le temps, il va avoir confiance en lui-même. Puis s'il a trop confiance en lui-même, éventuellement, il va lui mettre sa tête. Parce que c'est une polarité. Fait qu'ils vont, si t'es trop dans le négatif, ils vont t'amener au positif. Puis si t'es trop dans le positif, ils vont te mettre au nœud. C'est comme ça que ça marche. Fait que c'est inévitable que l'homme qui va vers la conscience devient de plus en plus confiant en lui-même. Mais l'homme n'est jamais totalement confiant en lui-même parce que tant qu'il y a du lui-même, il n'est pas dans la conscience parfaite. Il y a un petit peu dedans, puis un petit peu en dehors. Mais lorsqu'il entre totalement dans la, dans la conscience, lorsqu'il est en fusion à ce moment-là, le phénomène n'existe plus pour lui, puis il n'est plus intéressé à l'être ou à ne pas être. Ça n'existe plus à son esprit d'avoir confiance en lui-même. Il agit, il est sa loi d'action. Il parle, il est sa loi d'action. Qu'il fasse n'importe quoi, il trouve sa loi d'action. Tout ce qu'il fait, c'est toujours régi par l'énergie en lui parce qu'il ne fonctionne plus psychologiquement. Chercher à avoir confiance en soi-même provient toujours de cet aspect de soi-même qui veut que notre psychologie devienne de plus en plus auto-explicative. On aime ça se comprendre. On aime ça pouvoir se voir dans une lumière suffisamment claire. C'est normal. Mais c'est pas cette lumière-là qu'on a besoin. Parce que ça, c'est la lumière qu'on fabrique soi-même. La conscience cosmique descend dans l'homme. L'homme ne peut pas aller la chercher. Elle descend en lui. Alors, automatiquement, elle fait sauter les aspects de sa personnalité qui font interférence avec elle. Et ce que la conscience cosmique cherche dans l'homme, c'est le vide. C'est dans le vide qu'elle est bien. Ce n'est pas dans le plein, même si le plein a confiance en lui-même. On ne peut pas avoir confiance. On ne peut pas chercher une confiance devant la perfection. On ne peut pas vivre d'inconfiance devant la perfection. La perfection, c'est la perfection, puis ça fonctionne d'une certaine façon, puis c'est là, dans son temps. Puis ça rentre en nous, dans son temps. Puis éventuellement, de la personnalité. Retardataire, on n'en a plus. Tout ce qui sort, tout ce qui provient d'une action créative chez l'homme, c'est ça, puis c'est final. Parce que les principes supérieurs et les principes inférieurs ont été un, unifiés. Il y a des êtres qui ont plus de facilité d'avoir confiance en eux que d'autres, pour des raisons psychologiques, pour des raisons d'évolution de l'ego, pour des raisons de perception, pour des raisons de sensibilité intérieure. Ça, c'est la qualité d'avoir confiance en soi. Mais même ces êtres-là doivent un jour en arriver à ne plus avoir besoin d'avoir confiance en eux-mêmes. Et c'est là qu'ils sont réellement dans la lumière. Automatiquement. Il n'y a plus d'ego. Il n'y a plus de personnalité. C'est pour ça que je vous disais souvent que vous ayez des défauts ou des qualités, c'est sans importance. Ce sont simplement des veines dont se sert la lumière pour vous amener à sortir de la mine. Puis un homme qui est inconscient peut, à un certain moment, relativement près de lui-même, réaliser que, en fait, des défauts et des qualités, il n'y en a pas. Parce que c'est une illusion terrible d'affaire des qualités et des défauts. C'est une perte d'énergie énorme pour l'homme sur le plan de l'intellect, sur le plan de l'émotion. Il faut être très objectif pour réaliser ou accepter qu'on n'a pas de défaut pour qu'on n'a pas de qualité. Ça prend une certaine sorte d'humilité pour réaliser qu'on n'a pas de qualité et qu'on n'a pas de défaut. Autrement dit, il faut que ça prenne une certaine neutralité dans le mental. Autrement dit, ça prend une certaine connexion avec le mental supérieur. Autrement dit, ça prend une certaine communication avec l'intelligence. Y en a-tu parmi vous autres qui sentent, qui sont capables de sentir qu'ils n'ont pas de qualité et qu'ils n'ont pas de défaut? T'es capable de sentir ça, toi? J'ai des mots, madame. T'as des moments. J'ai des moments, je peux dire que... C'est ni un ni l'autre. Je peux pas dire qu'à certains moments, je ne peux pas souffrir d'une qualité ou d'un défaut. Ouais. Je peux sentir que c'est une illusion. Ouais. Ça n'a pas d'affaire avec moi. Ouais, bon. N'as-tu d'autres? Moi, ça me dérange plus. Des fois, quand ça passe dans ma tête, là, je m'en fiche complètement, je me désengage complètement de ces affaires-là, hein? Des circonstances qui se présentent. Direct, je peux rien savoir de tout ça. Ah. C'est là qui s'attend. Ah, ah, ah, ah. Je me désengage. Ah. Toi? C'est momentané. Éventuellement, ça devient permanent. Quand ça devient permanent, là, à ce moment-là, le problème de confiance en soi-même n'existe plus. Ça prend un certain temps, un certain nombre d'années. Il y a un travail qui se fait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais éventuellement, ça n'a plus de bon sens d'avoir des qualités et des défauts. Parce que pour avoir des qualités et des défauts, il faut que tu les vois. Mais ce que tu vois, c'est quoi? C'est la réflexion émotive et mentale de ton ego sur le mur de ta personnalité. Dès que ton ego commence à réaliser que c'est pas lui qui pense, il y a une maudite job de fait. Parce que si tu passes un défaut dans la tête, ça te vient sous une forme de pensée. C'est un défaut. Tout nous vient sous forme de pensée. Fait que si il t'envoie, parce que c'est comme ça qu'il vous amène à évoluer, s'il vous amène une pensée niaiseuse, t'es paresseuse, tu y retournes là pendant. Tu comprends? Fait que. On n'en prend pas la responsabilité. Ben non, mais non, on prend pas la responsabilité. C'est une illusion, ça, la responsabilité. Ça, ça a été donné à l'homme pour la tenir en ligne. Toi, t'en as-tu des qualités et des défauts? Tu n'as pas encore? Tu n'as plus? Ben, tu sais, ça s'en va dans ce thing-là. Ouais, de temps en temps, t'en as. J'apprends un peu encore. Ouais. Toi, t'en as-tu? Ouais, c'est la même chose. Même chose. Ouais. Éventuellement, vous n'avez plus. Allez pas dire ça à votre belle-mère. Toi, tu n'as-tu encore? Ouais. Le bus driver? Tu n'as encore des qualités et des défauts? Ça va s'en aller. C'est carré. Moi, ça me fait rire des qualités de défauts. Vous, Dr. Albeck, n'avez-vous? Devient différent, ça. Vous devenez différent. Vous devenez indifférent. Si tu dis ça, ta belle-mère, elle ne dira pas. Tu n'as pas de défaut. Elle va dire, je savais donc que tu n'avais pas de qualité. Je ne penserai pas aux défauts. L'affaire des qualités et des défauts. Que vous ayez des grosses qualités, en parenthèse, ou des gros défauts, en parenthèse, c'est pas des qualités ni des défauts. Même si c'est un gros. Même si c'est un gros défaut, c'est pas un défaut. C'est subtil ce que je dis là. Même si c'est un gros défaut, c'est pas un défaut. Puis même si c'est une grosse qualité, c'est pas une qualité. C'est un manque d'ajustement des corps. C'est impossible à un homme d'avoir un défaut. C'est impossible. L'homme est fait de principes inférieurs et de principes supérieurs. On pense qu'on a des défauts et des qualités parce qu'on vit dans une boîte existentielle qui fait qu'on est coupé de l'univers. On réalise pas qu'on est manipulé par en haut jusqu'à temps qu'il y ait un équilibre entre eux autres en haut et nous autres, qui est la grande conscience cosmique. C'est ça, la conscience cosmique. Ça descend, ça descend, ça descend. Oups, rendu ici, l'homme est maître de la vie. Pourquoi? Parce que c'est égal. Mais avant que l'homme arrive ici, il se fait manipuler puis il sait pas. Fait qu'il y a des qualités et des défauts. C'est terrible. Il n'y a rien de plus pire dans l'expérience de l'homme que de la conscience d'avoir des qualités et des défauts. Il y a des races qui n'ont pas, il y a des civilisations qui ne souffrent pas des mêmes qualités que des mêmes défauts que nous autres. Nous autres, on est judéo-chrétiens. Tu vas au Japon, c'est pas la même chose. Des qualités et des défauts au Japon, tu sais. Il s'est passé quelque chose d'extrêmement intéressant dans le monde occidental. C'est que le monde occidental, jamais l'homme a été aussi divisé devant lui-même que dans le monde occidental. C'est dans notre monde occidental qu'il s'est produit dans l'homme. La plus grande division, d'ailleurs, c'est ça c'est ce qui a mené l'homme à la science matérialiste, puis tout qui nécessite une capacité de diviser le réel, ainsi de suite. Mais faut que ça se repatche un jour, cette affaire-là. Parce que l'homme ne peut pas rester divisé devant lui-même comme ça trop longtemps. Tu peux avoir une petite craque dans la vitre, mais ça dure trop longtemps, la vitre va péter. C'est ce qu'arrive avec l'homme. C'est sa division de lui-même qui l'amène à ce que la vitre craque. Quand elle craque la vitre, c'est la folie. Puis ce qui est le pire, dans l'éducation de l'homme occidental, qui fait partie du corps, du monde entier, c'est que les choses qui lui sont expliquées du point de vue supramental sont extrêmement simples et sont absolument importantes. Alors, le fait qu'elles soient très simples, il peut facilement passer à côté. Parce que, justement, elles sont simples. Si c'est à codifier dans une philosophie, dans une cosmogénie, dans une patente, non, c'est tellement simple. C'est ça que... C'est ça qui fait que l'homme peut facilement passer à côté. Ça prend des oreilles. Ça prend des oreilles très fines et un esprit très léger. Et une sensibilité intérieure pour pouvoir prendre accrocher ce matériel-là quand tu passes. Parce qu'il faut qu'on l'accroche quand tu passes. Parce qu'il est tout important. Tout est grand. T'as beau à dire à du monde les qualités et les défauts des illusions, c'est important de le comprendre, ça. C'est mauditement important de le comprendre. Parce que quand t'as plus de qualités et plus de défauts, tu manques plus confiance en toi-même. Toi, tu parles de confiance en toi-même. Pourquoi? Parce que tu penses que t'es intelligent. Et le fait que tu penses que t'es intelligent, le fait que tu penses que t'es intelligent, ça veut pas dire que t'es pas intelligent. C'est une reconnaissance vibratoire de l'ego sur soi-même qui fait que il perçoit de l'intelligence et son intelligence. De l'intelligence et son intelligence. Pas un de l'intelligence. Quand tu percevras un de l'intelligence, tu percevras plus ton intelligence. Ça sera un de l'intelligence. À ce moment-là, cette qualité-là disparaît. Quelle qualité? La qualité d'être intelligent. Tant qu'il reste des possibilités d'émotion, c'est toujours lié à ça. Tout le temps, parce que on peut pas penser sans émotion. Même si tu as l'impression d'une bonne qualité, ça va te créer une émotion à un moment donné. Tout le temps. Que vous ayez une bonne qualité ou que vous ayez un bon défaut. C'est la même chose. Ben oui, tout le temps. C'est l'intelligence automatique. C'est ça. Si vous avez la qualité d'être intelligent, tant que les corps ne sont pas ajustés pour que vous ne puissiez plus avoir cette qualité-là, vous la vivez, cette qualité-là, et vous la reconnaissez, cette qualité-là. C'est une situation où tu te sens moins intelligent, là, tu dois... Dépendant de la situation, mais tu la vibres tout le temps, elle est toujours là, cette situation-là. Puis tant qu'on n'est pas libéré d'être intelligent, on n'est pas dans l'intelligence, on a un peu de l'intelligence. Il ne faut pas qu'on ait un peu de l'intelligence, il faut qu'on l'ait tout. Autrement dit, il faut qu'on soit totalement dans le champ d'énergie qui s'ajuste à nos principes mentaux, émotionnels, ainsi de suite, qui les fait vibrer. C'est pour ça que dans le fond de tout ce dialogue, tant qu'on pense, on a la possibilité de vivre, à un moment donné, la qualité ou le défaut. Parce qu'on pense. On est habitué à densifier l'information. On densifie l'information et on la codifie toujours à notre bénéfice personnel, pour soi-même. Un homme qui est conscient, qui est dans l'intelligence, vous autres, vous allez penser, bon, c'est le fun d'être dans l'intelligence. C'est pas le fun d'être dans l'intelligence. C'est un poids d'être dans l'intelligence. Parce que quand t'es dans l'intelligence, t'es toujours actif. Puis comme t'es toujours actif, tu te reposes jamais. Puis comme tu te reposes jamais, tu peux jamais prendre le dessus de toi-même. C'est-à-dire que tu peux jamais rentrer dans un autre plan d'énergie. Fait qu'être dans l'intelligence, c'est pas plaisant. Parce que c'est toujours une conscience, puis une conscience, puis une conscience, puis une conscience, puis une conscience, puis une conscience. Tu veux des fois là, être, avoir rien à faire. Aussitôt que tu parles, t'as quelque chose à faire. Aussitôt que tu parles, tu véhicules de l'énergie. Oups. Fait que t'es jamais en vacances. Parce que t'es dans l'intelligence. Ça devient intéressant être dans la lumière, mais pas dans l'intelligence. Moi, je suis dans l'intelligence. Mais j'ai hâte d'être dans la lumière, parce que je suis pas dans la lumière encore. Je vis de la lumière, mais je suis pas dedans. Si je suis dedans, je ferais pas ici. Fait que c'est plate d'être dans l'intelligence. Je suis obligé d'être dans l'intelligence avant d'être dans la lumière, parce qu'il faut que je travaille sur le plan matériel. C'est dans l'éther que je suis dans la lumière, pas ici. Fait que dans l'intelligence, ça devient plate. Mais c'est plus intéressant d'être dans l'intelligence que de ne pas l'être. Tu comprends? It's the best of two evils. C'est le mieux du pire. Parce qu'au moins, tu te comprends, tu comprends les autres. Tu comprends, tu sais. Tu peux équilibrer ta vie. Mais c'est dans l'éther que l'homme sera dans la lumière. Puis à ce moment-là, lorsque l'homme sera dans la lumière, il ne sera plus dans l'intelligence. Parce que dans la lumière, on n'est pas dans l'intelligence. On est intelligent. Tandis que dans la matière, on est dans l'intelligence. On n'est pas intelligent. Voilà, tu sais. C'est la même chose pour les trois principes. Ouais. Vraiment. Pour vivre, tu vis sur le plan matériel de tes quatre principes inférieurs. Tu reconnais tes quatre principes inférieurs, l'intellect, l'émotion, le vital, le physique. Ben, alors, tu es dans ces quatre principes-là. Et quand tu changes de plan, puis tu reconnais le principe d'intelligence, la volonté, l'amour, à ce moment-là, tu es dans cette lumière-là. Tu es dans un autre monde, dans un autre plan parallèle au monde matériel. Là, au moins, tu vis. Tandis que tu subis l'intelligence. Moi, je subis l'intelligence. J'ai plein de cul de l'intelligence. Je suis tanné! Mais il faut que je le fasse pour ouvrir les centres de l'homme pour que lui puisse aussi rentrer dans l'intelligence. Pour qu'on puisse, à un certain moment de l'histoire de l'homme, rentrer dans le bien. Mais c'est plate d'être dans l'intelligence. Ben, si t'arrêtes jamais, tu travailles, tu fonctionnes tout le temps, tu fonctionnes tout le temps, tu fonctionnes tout le temps. Ben, beau savoir, mais t'es tanné de savoir, t'es pas intéressant à savoir. Quand t'es dans l'intelligence. Fait que ça te donne quoi? Ça te donne rien. C'est pour les autres, ça te donne quelque chose. Mais toi, ça te donne rien. Tu réfléchis jamais. Ah, si je réfléchissais, ben là, ça serait le fun d'être dans l'intelligence. Je disais, es-tu belle, mon intelligence? Je suis smart. Ça, c'est l'intellect. C'est l'homme, l'ego. Ça mène à l'orgueil. Il y a un homme qui réfléchit à son intelligence dans une intelligence cosmique, mais il devient un Machiavelli. Il se prend pour un Napoléon. C'est normal. Mais quand tu peux pas, t'es tanné. C'est tout pour les autres, pour les autres, pour les autres, pour les autres, pour les autres. Fait qu'il y a une grande différence entre être dans la lumière et d'être dans l'intelligence. Mais être dans l'intelligence, c'est le premier pas vers la lumière. Parce que c'est ça qui sépare l'homme du surhomme. C'est ça qui coupe les liens entre la cinquième et la sixième race. Faut que ce soit fait, c'est d'abord. Que l'homme soit préparé à rentrer dans la lumière, sans ça, il capoterait. Même toi, un gars qui rentre avec l'idée qu'il y a des gros défauts dans la lumière, il meurt. Je suis pas digne, mon Dieu, d'en rêver dans le dos. Tu passe. Ça commence par l'intelligence, mais les trois principes, l'intelligence, la volonté et l'amour, sont indissociables. Ils sont indissociables, ils forment une trinité, le Père, le Fils, l'Esprit. Ils sont une trinité. Ils sont une trinité extrêmement puissante parce que ils sont le début et la fin de l'évolution de la galaxie. Le début et la fin. Ils ont mis tout en marche. Tout. Même des principes inférieurs. L'intelligence crée la forme. La volonté l'amène à l'action. L'amour l'unifie. De ça, tu peux étudier tous les mouvements historiques ou préhistoriques de l'homme ou de l'humanité ou des galaxies. De l'atome jusqu'à l'homme. Mais il faut que nous autres, en tant qu'hommes, on apprenne, on s'habitue à comprendre que l'intelligence, c'est pas ce qu'on pense que c'est. On pense, là, que l'intelligence, c'est intelligent. C'est pas intelligent, l'intelligent. La qualité de l'intelligence, ça devient de l'intelligent. C'est pas intelligent, l'intelligence. C'est une qualité qu'on donne à l'intelligence. L'intelligence, c'est un pouvoir. Puis c'est difficile pour nous autres, à ce stage-là, de dissocier le pouvoir de la réalité psychologique du pouvoir. Parce qu'au pouvoir, on met toujours une qualité. Dans le fond, c'est de l'énergie créative. C'est de l'énergie. Mais il faut qu'on appelle ça volonté, amour, intelligent. Parce qu'on fonctionne toujours en relation avec une idée quelconque qu'on a d'un comportement quelconque qu'on veut avoir ou qu'on doit avoir. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'on doit agir d'une certaine façon. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on doit agir d'une certaine façon. Pourquoi? Pour réaliser qu'on a une certaine valeur. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'on a une certaine valeur. Pourquoi? Parce qu'on a une certaine valeur. Pourquoi? Parce qu'elle dépend de la façon qu'on pense. Vous voyez? Oui. Ça va tout s'écrouler. Faut que ça s'écroule. C'est quand que ça s'écroule? Qu'à ce moment-là, on tombe dans une autre énergie qui est l'énergie de ça et de ça. Et qu'on commence à vivre le vide et qu'on commence à ne plus avoir besoin d'avoir confiance en soi. On ne cherche plus rien. C'est plus rien à chercher. On n'essaie plus de comprendre rien parce qu'on comprend tout. Puis on comprend tout parce qu'on n'essaie pas de comprendre rien.